Passez une toute bonne après-midi. C'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La fonction principale de l'ASDN, c'était le maintien de la paix. Or, l'ASDN n'a pas été en mesure d'éviter le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Cette semaine, du document au documentaire. Les enfants ariens sont incités à haïr les juifs et les chrétiens non-ariens. Affiches. À les espionner. Passeports. À les attaquer. Livres et autres supports. Et à pousser leurs propres parents à exterminer complètement les juifs. La guerre ou la paix. Quand vous êtes déchu de votre nationalité, que vous êtes apatride, même mourir pose des problèmes légaux. Alors imaginez vivre. Je m'appelle Pierre-Étienne Bourneuf, je suis conseiller scientifique auprès de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève et je suis aussi le curateur de l'exposition 100 ans de multilatéralisme à Genève qui a ouvert en octobre dernier en collaboration avec la Fondation Bonne-Mère et le CICR qui, eux aussi, on présente deux expositions, une « Guerre et paix » et l'autre sur les 150 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge. Comment vous arrivez à ça? Quel est le parcours sinueux ou en ligne droite pour faire le travail que vous faites maintenant? C'est quoi ça? Alors j'ai un doctorat en relations internationales que j'ai obtenu à l'IHEID, ici à Genève. Par c'est passion des relations internationales? Absolument. Et ensuite, en enchaînant, j'ai fait de la recherche, et en enchaînant de fil en aiguille, je me suis en fait spécialisé dans l'histoire de la Société des Nations, dont c'est centenaire cette année de la création. Et j'ai beaucoup travaillé dans les archives de l'ASDN ici, justement aux Nations Unies, ce qui m'a permis en fait de pouvoir contribuer de manière assez, je pense, pertinente à ce projet du centenaire du multilatéralisme à Genève. Et Pierre-Étienne Bourneuf, justement, à la lecture de votre article, et ce n'est pas la première fois que j'ai ce sentiment-là, on a presque envie de dire que cette SDN, c'est une mal-aimée, mais c'est aussi une belle inconnue. La durée de l'existence de la SDN, c'est combien de 1920, elle entre en vigueur en 1920, et elle est dissoute ici à Genève en 1946. Comment se fait-il que perdure jusqu'à quasiment aujourd'hui, vous étant une exception, ce fantôme d'une SDN synonyme d'échec absolu? Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Je crois qu'une des raisons essentielles, c'est l'échec de la SDN. La SDN a été créée en 1919, enfin le document fondateur a vu le jour en 1919 à la conférence de paix de Paris, et la fonction principale de la SDN, c'était le maintien de la paix. Or, la SDN n'a pas été en mesure d'éviter le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est sur cet échec qu'on s'arrête aujourd'hui. Il faut aussi reconnaître une chose, qu'il y a un intérêt politique, entre guillemets, aussi à avoir accentué cet échec. Pourquoi? Eh bien parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu créer une distance entre les Nations Unies et la SDN. Pourquoi? Pour une raison essentielle, surtout aux États-Unis, il fallait absolument pas donner le sentiment, surtout au Sénat américain, qu'il y ait une continuité entre la SDN ONI et les Nations Unies. Et deuxièmement, il faut aussi reconnaître que de la part soviétique, il y avait une haine envers la SDN. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique est le seul pays à avoir été expulsé de la SDN après l'invasion de la Finlande. Et à Moscou, on considérait tout à fait de manière, on va dire, critique, le fait qu'on ait permis aux pays fascistes de faire ce qu'ils ont pu faire, et le seul pays qui a été puni par la SDN était bien sûr l'Union soviétique communiste. Donc après la SDN, il a fallu créer une fracture. Et je pense qu'une des raisons aussi aujourd'hui, c'est qu'on perçoit encore cette distance qui a été, pour des raisons psychologiques, il fallait tourner la page de l'échec de la SDN, et aussi pour des raisons politiques, surtout à Moscou et à Washington, il fallait créer cette distance. Et cette distance est ancrée en fait dans l'historiographie. Quels sont, si toutefois vous les avez perçus, selon vous, les derniers bons avocats de la SDN? Ils sont très peu. Très peu. La raison principale, c'est que à partir de 1936, les puissances démocratiques, en particulier la France et la Grande-Bretagne, vont plutôt appliquer des politiques unilatérales, des politiques, on va dire, très myopes pour défendre leurs intérêts sur le court terme au lieu d'avoir une vision multilatérale de la sécurité. Ce qui va aussi mener au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je voudrais peut-être spécifier une chose, c'est que si la SDN a échoué, ce n'est pas parce que la SDN était mauvaise, mais c'est parce que les États n'ont pas en fait, rempli leur engagement. Si on lit le pacte de la SDN donnait les instruments aux États. Seulement, les États, à un moment donné, ont décidé d'appliquer justement des politiques unilatérales, un repli sur soi, pour des raisons, bien sûr, de la crise économique des années 30, polarisation du système international, certainement. Mais on va dire que la SDN a été avant tout trahie par ses États membres, en particulier par les grandes puissances. « Je lis quelques lignes, Étienne Bourneuf, de votre plume concernant le sujet d'aujourd'hui. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on estime que plus d'un million et demi de Russes ont fui la guerre civile, la famine ou le nouveau régime bolchevique pour trouver refuge à l'étranger. Déchus de leur nationalité et souvent incapables de subvenir à leurs besoins, nombre d'entre eux se retrouvent bloqués dans des pays limitrophes de la Russie, en Europe, en Asie et même en Extrême-Orient. Si certains gouvernements et des organisations privées œuvrent pour leur venir en aide, l'ampleur de la crise impose une réponse internationale coordonnée. Et là, un bonhomme va jouer un rôle tout de même assez capital. Il est de nationalité norvégienne. Vous nous le présentez ? C'est Fridtjof Nansen. Il a laissé une empreinte remarquable pour la protection et l'assistance des réfugiés. En fait, vous devez savoir que Fridtjof Nansen est le premier en fait, haut commissaire pour les réfugiés. Il est nommé en 1922, justement suite à cette crise majeure qui est cet exode de population russe de l'ancienne Union soviétique. Et il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les États sont un peu contraints de trouver des réponses communes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces populations russes vont s'établir dans les pays limitrophes, comme vous l'avez dit, en particulier en Europe de l'Est, où les pays sont encore très fragiles. C'est des pays qui étaient, avant la Première Guerre mondiale, souvent sous emprise d'autres pays ou d'empires. D'autres empires. Tout à fait. Et donc, il y a une crise humanitaire, mais il y a aussi une crise politique. On se rend compte, en Europe de l'Ouest, que si on laisse ces populations qui sont démunies de tout, eh bien, cela peut créer de graves problèmes politiques. Et c'est sur cette base qu'on va commencer à coordonner l'action international et on va nommer Nansen, ce Norvégien. Alors là aussi, pourquoi on va sur un Norvégien ? Parce qu'en fait, la Norvège est un des pays européens neutres qui n'a pas participé à la guerre civile en Union soviétique et qui a des contacts plus ou moins, on va dire, amicaux avec le régime bolchevique. Donc on pense que Nansen est la personne adaptée. C'est un ancien explorateur, diplomate, c'est le représentant de la Norvège à la SDN. Et tout de suite, Nansen va se mettre à l'œuvre pour assister ces populations. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est qu'on va nommer un Nansen, on va lui dire, voilà, on estime 1,5 million de réfugiés russes, et puis on va lui allouer un budget de 4 000 livres pour assister ces 1,5 million de réfugiés russes. Et là, on voit dès le départ aussi la dimension du bonhomme, si je peux me permettre. Pourquoi ? Parce que pendant près de 10 ans, Nansen, contre tous les obstacles politiques, financiers, va œuvrer corps et âme pour assister les populations d'abord russes, ensuite les populations arméniennes et les populations, ce qu'on appelait assimilées, c'est-à-dire les assyro-chaldéens, donc des populations qui étaient situées dans l'Empire ottoman. Alors, deux questions me viennent par rapport au profil Nansen. Est-ce un homme de réseau, du fait qu'il est bourlingué, étant explorateur auparavant ? Est-ce quelqu'un qui a une habileté de diplomate, puisque c'est tout de même son métier, et qu'il sait œuvrer pour faire entendre raison, et même au sein des plus profonds antagonismes ? Alors, il y a une raison pour laquelle Nansen est nommé, c'est parce qu'il avait déjà été chargé de rapatrier les prisonniers de guerre après la Première Guerre mondiale, en particulier justement de la Russie. Et il va œuvrer à plusieurs centaines de milliers de prisonniers de guerre vont pouvoir être rapatriés en Europe. Certains, pour vous donner une idée, vont partir de Vladivostok et vont être rapatriés à Trieste. Je crois que c'est 25 nationalités en tout, donc c'est pharaonique. Il va arriver en 2-3 ans, en 1924, donc 4 ans au maximum, les derniers prisonniers vont être rapatriés. Et il va le faire avec un budget complètement ridicule. C'est un immense coordinateur, certainement. Il faut comprendre que Nansen avait des réseaux très diplomatiques, certes, mais aussi avec les Croix-Rouges nationales, avec le CICR. Donc, ce réseau qu'il avait tissé pour assister et rapatrier les prisonniers, eh bien, on faisait de lui la personne idéale pour assister les réfugiés. Il faut comprendre une chose aussi, peut-être qu'il faut la spécifier, c'est qu'à l'époque, on considérait que l'assistance humanitaire, c'est-à-dire l'assistance matérielle, ne rentrait pas dans les fonctions de la SDN. Donc, quand on a nommé Nansen, c'était plutôt pour la protection juridique et pour la coordination de l'assistance qui devait être fournie par des États et par des organisations privées. Pas plus. Et lui a fait du zèle ? Et lui a fait, oh oui, il a fait du zèle. Tout d'abord, Nansen est connu et reconnu pour une chose, c'est en 1922 la création du passeport Nansen. Alors le passeport Nansen, c'est un document d'identité, on l'appelait à l'époque un certificat d'identité, qui était en fait donné, attribué aux réfugiés qui étaient déchus de leur nationalité. Alors ce que je dis souvent aux visiteurs de notre musée, est-ce qu'on nous exposons un passeport, une copie du passeport, c'est que vous devez savoir que quand vous êtes déchu de votre nationalité, que vous êtes apatride, même mourir pose des problèmes légaux. Alors imaginez vivre. Vous n'avez aucune visibilité administrative. Vous ne pouvez pas naître, vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas trouver un travail, vous n'avez pas d'assistance sociale. Donc en fait, vous êtes complètement invisible. Et ce document permettait de redonner une visibilité à ces réfugiés. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il redonnait une visibilité administrative, mais on redonnait aussi une forme de dignité à des personnes qui avaient tout quitté pour fuir justement des persécutions à l'époque. Et donc c'est un tournant, certainement pour la protection des réfugiés. Compte tenu que ce sujet est toujours d'une remarquable actualité et que les gens qui nous écoutent mesurent l'importance effectivement d'un tel document et pourraient éventuellement s'interroger sur le fait qu'un équivalent aujourd'hui n'existe pas, tout au moins à ma connaissance, par qui doit-il passer? J'entends état, autorisation, garde barrière multiple. Pour valider l'autorisation de ce passeport, quelles difficultés rencontre-t-il? Y a-t-il des freins finalement qui ne seront pas définitifs? Alors il faut comprendre une chose, et peut-être c'est la chose fondamentale, c'est que le statut de réfugié a beaucoup évolué au cours de ces 100 dernières années. Pendant l'époque de l'ASN, c'était plus ou moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le statut de réfugié dépendait de la nationalité. C'est-à-dire qu'on attribuait le statut de réfugié à des catégories nationales. C'était les Russes, c'était ensuite les Arméniens, et ça a été étendu à d'autres suite minorités, surtout de l'ancien Empire ottoman. Donc il fallait en fait, pour pouvoir obtenir le statut de réfugié, il fallait prouver d'être un national et d'être déchu de sa nationalité. Et pour cela, il y avait des offices, des bureaux en fait, du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui accueillaient, traitaient les demandes et ensuite délivraient des certificats qui permettaient aux réfugiés ensuite d'aller vers les autorités nationales pour pouvoir obtenir un passeport Nansen. Mais pardonnez-moi, mais j'arrive au guichet, j'ai été déchu par mon ancien gouvernement de ma nationalité. Je suppose que ce gouvernement n'a pas l'amabilité, la délicatesse de m'envoyer un acte prouvant la déchéance de ma nationalité. Comment fais-je? Justement, mais la déchéance de nationalité, généralement, elle passe par un décret qui décrit les catégories qui sont bien sûr touchées par ce décret. Donc si vous prouvez d'être partie de cette catégorie, vous pouvez obtenir. Et d'ailleurs, on expose au musée le certificat de Vladimir Nabokov, l'auteur de Lolita. On a retrouvé dans nos archives le certificat de réfugié qu'il a obtenu à le bureau de Berlin, en fait, en 1925, si je ne me trompe pas. Alors revenons aux difficultés rencontrées par Nansen. Est-ce que ce projet de passeport, j'imagine qu'il en parle, il fait circuler la chose. Est-ce qu'il rencontre beaucoup de blocages? Alors non, ça se passe plutôt bien pour le passeport Nansen. Et disons que surtout pour les réfugiés russes, l'accueil est plutôt favorable. Il faut aussi prendre en considération une chose, c'est qu'à l'époque, le flux de réfugiés est vu de manière moins défavorable qu'on pourrait le voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que par exemple, dans un pays comme la France, il y a un problème démographique. On estime qu'après la Première Guerre mondiale, on manque de main-d'œuvre en France, surtout d'hommes. Et donc, jusqu'à la moitié des années 20, on va plutôt accueillir favorablement ces réfugiés en France pour qu'ils s'établissent, pour ensuite un peu compenser démographiquement les pertes engendrées par la Première Guerre mondiale. Ensuite, bien sûr, à la fin des années 20, ce problème va se compliquer. Il va devenir pratiquement inextricable ensuite avec le régime nazi et la persécution des populations juives en Allemagne. On va créer un autre organisme à ce moment-là pour assister ces populations. Et encore une fois, on voit un peu l'ambiguïté des gouvernements, si je peux me permettre, tout simplement parce qu'on s'aperçoit, le vrai problème encore une fois, c'est que ces populations de confession juive vont dans les pays tout simplement qui sont à côté de l'Allemagne et provoquent des problèmes financiers, des problèmes, on pense qu'il y a aussi des communistes. Donc en fait, les États vont réagir pour assister ces populations plus que pour des raisons humanitaires, pour des raisons politiques. Et surtout, on ne veut pas froisser le régime nazi. Et donc toujours membre de la SDN. Alors, toujours membre de la SDN, mais surtout, même quand il a quitté, même quand l'Allemagne nazie, ça aussi c'est très important à comprendre, il faut un peu surmonter la sursimplification de l'histoire de la SDN, c'est que quand l'Allemagne nazie va notifier son retrait de la SDN pendant plusieurs mois, on va penser qu'un retour est possible. On va mettre tout en œuvre pour, si jamais, faciliter le retour de l'Allemagne nazie. La SDN, et en l'occurrence le secrétaire général de la SDN, qui était français, qui s'appelait Joseph Avenol, aujourd'hui est une figure assez controversée, parce qu'on le pensait qu'il était proche des régimes autoritaires. Il était certainement très conservateur. Une sorte de proto-Pétain. Il était. Il a été proto-pétain, comme beaucoup de Français. Au moment de la chute de la France, il a fait partie de cette grande majorité de Français, il faut le reconnaître aussi. En France, on a du mal encore à l'admettre, mais qu'une majorité de Français ont vu Pétain comme le sauveur, comme l'homme qui pouvait sauver la France. Et j'ai trouvé dans ces archives de l'ASN, dans ses papiers privés, des lettres dans lesquelles il exprime clairement qu'il considère Pétain l'homme de la situation. Il faut comprendre que le secrétariat de l'ASDN, c'est un microcosmos. Et c'est passionnant de voir, d'aller de plonger dans les archives de 1936 jusqu'à 1939, parce que tous les événements internationaux se répercutent au niveau personnel. Donc vous avez des fonctionnaires qui vont avoir du mal à se parler, qui vont ne plus avoir plus confiance l'un de l'autre. Il y a des fonctionnaires qui clairement vont travailler pour des régimes, on va dire, autoritaires. C'est passionnant. On aurait pu penser que l'échec de l'ASDN s'accompagnerait d'une destruction des archives en disant qu'il faut vraiment effacer ce mauvais souvenir. Fort heureusement, il n'en est rien apparemment. Alors, je vais vous épater, mais il y a une histoire qui est succulente, enfin, qui est vraiment absolument remarquable. C'est qu'au moment du déclenchement de la guerre, il y a un plan d'évacuation qui est préparé par l'ASDN. Et on se dit, Genève, peut-être que Genève va être une position intenable pour des raisons politiques, donc on va essayer d'évacuer la SDN dans une autre ville pendant la guerre. Et la ville qu'on identifie comme la première ville pour accueillir la SDN, eh bien c'est Vichy. Alors, ça ne s'invente pas. Alors, ça ne s'invente pas, mais ce qui est assez intéressant, c'est les mêmes raisons qui vont pousser le gouvernement français à établir sa capitale, vont être les mêmes raisons qui vont pousser la SDN à envisager Vichy, parce que c'est une ville balnéaire avec beaucoup d'hôtels et surtout une bonne centrale téléphonique, donc ce qui permet en fait de maintenir des contacts même à l'arrière du front. Et on va envoyer en fait plus d'une tonne et demie d'archives, dont les archives secrètes, les confidentielles, les archives les plus sensibles vont être envoyées à Vichy. Et quelques jours après l'effondrement militaire français, elles vont être rapatriées. Et sur l'île Rapport, c'est assez rocambolesque parce qu'il y avait un rationnement de pétrole, donc d'essence. Et donc les camions, deux camions sont partis à Vichy et devaient éteindre les moteurs dans les descentes en craignant les bombardements. Et retournent à Genève et là, on va brûler qu'une partie des archives par crainte d'une invasion nazie, et on va brûler les papiers personnels du secrétaire général Eric Drummond, en fait. Donc une grande partie de ces archives privées ont été détruites. En revanche, encore aujourd'hui, on a plus de pratiquement 3,5 km d'archives de la SDN qui ont été conservées. Tout le reste a été conservé. Donc on trouve encore aujourd'hui toutes les archives confidentielles. On a détruit les archives qui surtout contenaient les noms de personnes qui auraient pu faire l'objet de représailles par la Gestapo. Il faut savoir que, par exemple, la SDN... On a détruit pour protéger. Tout à fait. Il faut savoir que la SDN, par exemple, avait les noms, les nominatifs et les adresses de pratiquement 12 000 combattants qui avaient combattu en Espagne pour la République espagnole. Et encore aujourd'hui, on trouve ces archives. Si elles étaient tombées dans les mains de la Gestapo, bien sûr, ça aurait pu des conséquences dramatiques. Donc, les archives ont été maintenues. Elles ont été maintenues à Genève. Et j'oserais même dire qu'elles ont été maintenues à Genève grâce à l'obstination des fonctionnaires de l'ASDN. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de l'ASDN des Nations Unies. Il faut savoir que les Nations Unies ont beaucoup pioché dans les archives de l'ASDN. Parce que malgré la distance qu'on a voulu faire voir entre les deux organisations, les problèmes étaient les mêmes. Quand on parlait de mandat, quand on parlait d'assistance sanitaire, quand on parlait de lutte contre les stupéfiants, eh bien, il y avait une expérience de l'ASDN qu'il a fallu reprendre en main, et qu'il fallait reprendre en main. Donc, les archives ont été maintenues à Genève, elles ont été envoyées à New York, mais grâce à l'obstination de Sean Lester, en particulier, donc le dernier secrétaire général de l'ASDN, on a maintenu, en fait, un répertoire pour pouvoir être sûr que toutes reviennent à Genève par la suite, une fois qu'elles avaient été utilisées à New York pour préparer le travail des Nations Unies. La suite de cette histoire, elle est portée par deux personnages. Un pour une période relativement courte, si j'ai bien suivi vos écrits, James MacDonald, et puis après coup, Sir Herbert Emerson. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, d'une part les présenter, et puis surtout, d'autre part, indiquer leur action, voire l'empêchement de leur action pour l'un d'entre eux? Alors c'est passionnant, justement. James MacDonald est connu surtout pour une chose, c'est sa lettre de démission. On la trouve sur Internet et j'invite tous vos auditeurs à lire cette lettre. Alors il faut la lire en anglais parce qu'en français, la traduction est un peu ambiguë. Donc elle a été écrite en anglais et elle est absolument remarquable. Ce qu'il décrit en fait en 1936, la situation des populations juives en Allemagne, et c'est très compliqué de dire « on ne savait pas ». après avoir lu cette lettre. Je dois avouer que c'est une lettre que je ferai lire dans toutes les écoles. James McDonald avait été nommé responsable pour aider les populations juives qui étaient victimes de persécutions, donc les réfugiés allemands, ce qu'on appelait les réfugiés allemands à l'époque. Lui aussi, comme Nansen en précédence, n'a pratiquement aucun budget. Il a beaucoup de très bons réseaux, de bons contacts avec des organisations juives américaines qui vont permettre, favoriser les migrations de juifs d'Europe, en particulier vers les États-Unis. Mais ses limites sont lui-même, à sa lettre d'émission, et qu'on ne peut pas tamponner le problème des réfugiés. Si on veut faire face au problème des réfugiés, il faut faire face au problème, à la source. Et donc le problème de la source, c'est les persécutions du régime nazi, qui, de son côté, disait « Oui, les juifs sont libres de partir de l'Allemagne, on ne les empêche pas, mais ils doivent laisser tous leurs biens en Allemagne, par exemple. » Et McDonald décrit les persécutions, décrit aussi tout simplement le régime auquel sont soumis les populations de confession juive. Londres, le 27 décembre 1935. Monsieur le secrétaire général, le 26 octobre 1933, le président du Conseil de la Société des Nations m'a fait l'honneur de me nommer haut-commissaire pour les réfugiés, israélites et autres, provenant d'Allemagne, pour négocier et diriger la collaboration internationale nécessaire à la solution du problème d'ordre économique, financier et social constitué par la présence des réfugiés. Je vous prie par la présente de bien vouloir soumettre au Conseil ma démission qui prendra effet le 31 décembre 1935. Depuis la création du Haut Commissariat, il y a plus de 2 ans, la situation en Allemagne, qui est la cause de l'exode des réfugiés, a pris un caractère si grave qu'il importe que la Société des Nations procède à un nouvel examen de l'ensemble du problème. La législation et les mesures adoptées par les autorités administratives et par les organes du Parti national-socialiste contre les non-ariens ont été constamment intensifiées, atteignant leur point culminant en automne 1935 dans une série de lois et décrets qui a déclenché une nouvelle vague de répression et de persécution telle qu'elle n'avait pas été prévue en 1933. Abstraction faite de toute question de principe ou de persécution religieuse, un fait d'importance primordiale s'impose à l'attention de la communauté des États. Plus d'un demi-million d'êtres humains sont voués à l'anéantissement pour l'unique raison qu'ils ne sont pas ce que les nationaux-socialistes appellent des Nordiques. Ces mesures discriminatoires sont appliquées sans tenir compte de l'âge ou du sexe. Même les enfants, juifs et non-ariens, n'échappent pas à des mesures cruelles de ségrégation et de persécution. Dans des publications paraissant sous l'égide du gouvernement, les enfants ariens sont incités à haïr les juifs et les chrétiens non-ariens, à les espionner, à les attaquer et à pousser leurs propres parents à exterminer complètement les juifs. C'est parce que je suis convaincu que des souffrances intenses dans les pays limitrophes de l'Allemagne et qu'une tragédie humaine encore plus grande à l'intérieur du pays sont inévitables, à moins que les tendances actuelles du Reich ne soient fondamentalement changées, que je ne crois pas avoir le droit de me taire. J'estime qu'il est du devoir du haut-commissaire pour les réfugiés d'Allemagne, en donnant sa démission, d'émettre un avis sur les éléments essentiels de la tâche que le Conseil de la Société des Nations lui a confiée. Lorsque les effets d'une politique intérieure menacent de démoraliser et d'exiler des centaines de milliers d'êtres humains, les considérations de correction diplomatique doivent faire place à des préoccupations de simple humanité. Je manquerai à mon devoir si je n'attirais l'attention du Conseil sur la situation actuelle et si je ne plaidais pour que l'opinion du monde, par l'intermédiaire de la Société des Nations, des États membres et non membres, fasse le nécessaire afin de remédier à la situation actuelle et écarter la tragédie menaçante. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma haute considération. James Grover McDonald. Avant d'en venir à Sir Herbert Emerson, avez-vous dans les archives pu constater, Pierre-Étienne Bourneuf, des réponses à cette lettre de démission? Alors, oui et non. Oui, c'est très compliqué. Une réponse très faible. C'est-à-dire que quand McDonald va démissionner, on va un peu maquiller l'organisme qui assiste les populations juives en lui donnant un peu plus... Il faut savoir que, pour vous donner une idée, pour le siège n'était même pas à Genève, il était à Lausanne, parce qu'on ne voulait pas associer cet organisme à la SDN. Il était bien sûr soutenu par la SDN, mais il ne fallait absolument pas qu'il y ait un lien. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas donner l'idée de cette SDN qui, encore une fois, persécute l'Allemagne, les Allemands, etc. Donc c'est très très ambigu. Il faut comprendre que, et c'est ça qui est passionnant, c'est la complexité de la problématique. Ce n'est pas blanc ou noir. Et c'est peut-être ça, peut-être, sur laquelle on devrait s'arrêter aujourd'hui. Souligner plutôt que c'était extrêmement complexe, il y avait beaucoup de gens de bonne volonté à l'époque, mais pour des raisons politiques, des raisons d'intérêt, des raisons idéologiques, ces personnes se sont retrouvées à des murs constamment. Et MacDonald a eu l'intégrité de démissionner avec fracas. Avec fracas, peut-être, malheureusement, pas ce qu'il aurait souhaité. Mais je répète, sa lettre est tout à fait remarquable. Son successeur, alors, que fait-il, lui ? Alors, ses successeurs, j'oserais dire, ils continuent à œuvrer pour assister les populations juives en particulier. Alors, il faut comprendre que dans les dernières années de les années 30, la SDN va sortir complètement de la politique qui compte. Elle va être isolée et ses successeurs vont être un peu victimes de cet isolement politique. Alors, ce qui est remarquable par contre, et je tiens à le souligner, parce qu'encore une fois, quand on va dans les archives, on s'aperçoit que même pendant la guerre, les organismes liés à la SDN ont permis l'évacuation de populations juives, en particulier par le Portugal. Ils ont permis aussi de surveiller que les droits des réfugiés qui étaient internés en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord, soient respectés. Parce que, bien sûr, une grande partie de ces réfugiés étaient d'origine allemande, russe, suspecte. Donc, il fallait respecter. Par contre, et il faut le reconnaître, et toutes les limites de l'action de la SDN pendant la Deuxième Guerre mondiale, et des autres organismes aussi qui ont travaillé avec la SDN, c'était d'être dans la capacité d'assister les réfugiés en Europe. C'est-à-dire qu'on n'a rien pu faire contre, par exemple, l'arrestation des réfugiés en France. C'était tout à fait impossible d'intervenir. Donc on voit toutes les limites frustrantes, certes, de l'action en faveur des réfugiés. Mais en même temps, et ce sera le mot de la fin, Pierre-Étienne Brunet, ce qui est tout de même remarquable en vous écoutant, c'est qu'on voit que l'absence de travail de mémoire pendant assez longtemps, même si maintenant vous et peut-être des collègues à vous s'y mettez furieusement, a fait en sorte qu'avec cette Société des Nations plutôt dans l'ombre, pour laquelle l'ensemble des nations ont plutôt mauvaise conscience, fait que toutes les bonnes actions, et notamment vis-à-vis des réfugiés, pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même la mettre au crédit de la SDN, malgré certains échecs, malgré il y a eu de l'action véritablement. Le passeport Nansen en est un exemple, mais il y en a sans doute bien d'autres. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'action de la SDN a été très limitée, il faut le reconnaître. Je ne suis pas là pour défendre l'action à tout prix de la SDN. Par contre, c'est vrai, et c'est là où l'intérêt de la recherche historique aujourd'hui est extrêmement importante, c'est un peu de recentrer le débat et ne pas s'arrêter simplement sur ce constat d'échec, qui est incontestable. Mais il faut aussi mettre en avant le caractère novateur. Le passeport Nansen en 1922, c'est tout à fait révolutionnaire. Faut pas... Ça le serait aujourd'hui. Ce serait probablement aujourd'hui aussi. Je vais vous donner un exemple très concret d'un aspect révolutionnaire sur le passeport Nansen. Le passeport Nansen, en fait, chaque fois qu'il était renouvelé par un réfugié, il devait payer un timbre de 5 francs. Et ce 5 francs or allait contribuer à alimenter un fonds. Un fonds, en fait, qui devait permettre d'assister financièrement les réfugiés qui étaient les plus démunis. Donc, en fait, les réfugiés qui avaient le plus de moyens, qui étaient en mesure de faire face à cette dépense, allaient, grâce à ce financement, pouvoir et tout simplement payer l'assistance aux réfugiés. C'est fantastique, ça change aussi. Je suis sûr qu'en allant creuser dans les archives, en particulier de l'assistance des réfugiés, on pourrait peut-être trouver des moyens qui pourraient être encore aujourd'hui absolument valables. Il y a un projet qui je trouve absolument fascinant, je le simplifie un tout petit peu pour vos auditeurs, mais c'était un projet qui prévoyait du microcrédit. C'est-à-dire qu'on donnait à des familles arméniennes ou russes quelques centaines de francs pour qu'elles puissent établir un restaurant, une épicerie. Et en fait, on s'est aperçu, il y a plusieurs centaines de familles qui ont pu avoir accès à ce système qui était financé par ce fonds et qui non seulement ont réussi à établir des épiceries mais ont réussi aussi à rendre l'argent qui pouvait être réinvesti entre guillemets sur une autre famille, etc. Donc ce sont des expériences qui aujourd'hui ont été un peu mises à l'écart justement parce que cette étiquette d'échec fait qu'on met tout dans le même panier et que heureusement, comme vous l'avez dit, il y a des chercheurs aujourd'hui qui travaillent beaucoup dans les archives pour essayer de nuancer cette approche. À quand le petit bouquin Les bonnes recettes de la vieille SDN?